est immigré. Rêve européen, rêve européen, rêve européen, rêve européen. Il faut tout détruire. Reconstruire pour nos enfants, loin de tout, c'est m'écrire. Rêve européen, rêve européen, rêve européen, rêve européen. Sous le signe de la croix.